business on ya. Balune na si benito moto longe ya tu. Ogwa se babene na si benito moto longe. Mwongwa neba omanya kama mi mese. Natika na jete ya na bile soja. Mwani mochichi bema besibe. Tomolo chichi badia na bwane nye o. Natika na jete ya na bile soja. Président Dibo, mon frère. Mani moutiti aye, ben ma besi be. E bolo titi badia, na banenye o. Na tika, na jede ya na bele soja o. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. En vidéo et débat, il faut serrer son cœur. Papillon, Liana, la moto est bon, ma doudou. La même de Moulema, Banja Moutoura, moto est bon, ma doudou. Tawane deba, la nolom na wala di ala mae. Doudou pande. Amuna deta osinyaka, mamona wuze biya nako, mayama titi manyolo eh. Oh, natika, najete ya nabile soja. Tawane zemba eh, nanyolo na wale jiyalama eh. Kutuponde, amuna deta osinyaka eh, mana wuze biya nako. Mayama titi manyolo we. Ah, natika, najete ya na bele soja. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. En vidéo et débat, il faut serrer son cœur. C'est comme ça la vie, ah, papillon. C'est comme ça la vie, en vidéo et débat, il faut serrer son cœur. C'est comme ça la vie. C'est mon ami, faut jamais compter sur quelqu'un. Je te dis, faut jamais compter sur quelqu'un. Il est vrai que quelqu'un devient quelqu'un. Devient quelqu'un, mais mon ami, mais jamais, jamais mon ami, oh. Faut jamais compter sur quelqu'un. Il faut d'abord compter sur toi-même. Je te le dis, faut jamais compter sur quelqu'un. Il est vrai que quelqu'un devient quelqu'un. Il est quelqu'un, mais mon ami, oh. Mais jamais, jamais, mon ami, oh. Faut jamais compter sur quelqu'un. Eh. Oh. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. En vidéo et débat, il faut serrer son cœur. C'est comme ça la vie. Ah, papillon. C'est comme ça la vie. Na moto ebongwa matutu. Il faut serrer son cœur.